Chapitre 3e. Ce sont là de grands défauts, mais il faut nous répéter que M. de Lamartine entrait dans une voie tout à fait nouvelle, et qu'il n'y pouvait point marcher d'un pied ferme comme sur un chemin battu. L'ancienne poésie, ou pour mieux parler, l'ancienne versification française, ne présentait pas toujours des périls aussi vifs. Elle ne prêtait pas aux rêves, je le veux bien, et la philosophie n'y était point couverte de nuages, par l'excellente raison qu'elle en était complètement absente. Mais ces vers mythologiques et apprêtés n'ont fait qu'amuser ici-bas quelques esprits délicats, et n'ont peut-être pas redressé vers le ciel une seule âme, tandis que la lecture des méditations élèvera toujours les intelligences et les poussera énergiquement vers l'au-delà. Pour une âme que les méditations ont affaiblie, elles en ont sauvé 20 et peut-être 100. Elles ont agrandi les proportions de l'esprit français et en général de l'esprit humain. Elles ont prouvé que Dieu est souverainement poétique, que les mots fables et mensonges ne sont point synonymes de poésie, et que cette glorieuse synonymie appartient plutôt à la vérité. Supérieures à la poésie qui les a précédées, elles le sont aussi à celle qui les a suivies, qui fleurit aujourd'hui sous nos yeux, et qui se fait gloire de n'adopter aucune croyance, pour les pouvoir célébrer toutes avec autant de zèle et de couleur locale. Entre l'école fantaisiste de notre siècle et l'école mythologique de Boileau, l'auteur des méditations nous apparaît dans la lumière, noblement pensif, les yeux fixés vers un Dieu qu'il n'aperçoit pas nettement, mais vers lequel il a le mérite de rester obstinément tourné. Dès son premier ouvrage, il se distingue de Victor Hugo. Les méditations sont un bas-relief du Parthénon. Les orientales sont déjà une œuvre shakespearienne. Lamartine, la musique, Hugo, l'antithèse. Tous deux vont magnifiquement bouleverser l'ancien monde littéraire, et chacun d'eux aura le droit de s'écrier « J'ai tout changé en poésie ».